qu'il trop malin, ni la prédil. Tout ça qui passe dans même, vite frais d'un coup pour le glace. Messieurs, dis-moi très bien, c'est mon mystère. Tout ça qui passe dans même, vite frais d'un coup pour le glace. Messieurs, dis-moi très bien, c'est mon mystère. Quand il y a un petit garçon et puis tu dis, j'ai toujours fait l'homme, ou pour demander qu'il soit balé. Le chita non t'y croit, nos belles tombées gelées, soufflé là-bas ou glace, ça vous frigidaire. Le chita non t'y croit, nos belles tombées gelées, soufflé là-bas ou glace, ça vous frigidaire. Tout comme ça.